Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui dans la chronique, je vais vous parler d'animaux qui choisissent de s'économiser pendant l'hiver quand le frimas est revenu. Nous parlerons hibernation. J'aurai ensuite la chance de recevoir Timothée Zida, doctorante en biologie évolutive à l'Université de Lyon 1 Claude Bernard et au laboratoire de biométrie et biologie évolutive du CNRS. Elle vient nous parler de ses recherches sur la communication chimique chez la marmotte alpine. Bonjour Timothée et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Certaines performances des autres animaux nous laissent rêveurs, voire envieux. Qui ne rêverait pas de voler comme une fusée, tel le faucon pèlerin et ses 300 km/h en piqué, de sprinter comme le guépard à plus de 100 km/h ou avoir la force et la résistance du bœuf musqué dans le blizzard polaire. Aujourd'hui, c'est d'une autre super performance dont je viens vous parler. L'hibernation. Une fois le froid venu, le glacial frimas arrivé dans nos contrées, qui n'a jamais rêvé de passer tout l'hiver sous la couette ? Mais finalement, l'hibernation, en quoi ça consiste exactement ? Déjà, il faut être précis, car certains animaux hibernent avec un B, pendant que d'autres hivernent avec un V, et les mécanismes physiologiques mis en place ne sont pas les mêmes et ont des conséquences très différentes sur l'organisme des animaux. Quand un animal hiberne, ses fonctions vitales sont réduites à leur strict minimum. L'animal est en torpeur, sa température corporelle diminue, on dit qu'il est en hypothermie. Son rythme cardiaque ralentit et il cesse toute activité. Cela signifie que pendant l'hibernation, l'animal vit sur ses réserves. Il ne boit pas et ne mange pas et on estime que son activité cérébrale se rapproche de celle d'un individu plongé dans le coma. Il arrive parfois qu'il se réveille sur de très courtes périodes. On appelle ces phases de réveil des phases d'euthermie et qu'il retrouve une activité normale. Mais cela reste ponctuel et on ignore encore pourquoi le corps supporte un tel pic de dépenses énergétiques. Chez les marmottes, par exemple, ces phases de thermie, de réveil, représentent moins de 10% de l'hibernation, mais équivalent à 85 à 95% des dépenses énergétiques sur l'ensemble de la période. Parmi les hibernants, on retrouve plusieurs petits mammifères, comme la marmotte, le hérisson, la chauve-souris, le loir, le lairot ou encore la moufette. Chez les marmottes, toujours, la phase d'hibernation dure 200 jours environ, plus de 6 mois. Pendant les phases d'hypothermie, de sommeil si l'on veut, la température des marmottes passe de 38 degrés à 5 degrés et leur rythme cardiaque chute de 200 battements par minute à seulement 28 à 38 battements par minute. Leur respiration ralentit aussi et passe de 60 inspirations à la minute contre 1 à 2 seulement. Vous vous en doutez, même si cette stratégie permet d'économiser l'énergie à une période où le climat est rigoureux et la nourriture rare, les animaux sont très vulnérables. Certains prédateurs futés en profitent pour grignoter des hibernants en pleine léthargie. C'est notamment le cas d'une population hongroise de mésanges charbonnières, adorables petites boules de plumes, qui, une fois l'hiver venu, se mettent en embuscade dans des grottes où des chauves-souris pipistrelles hibernent pour les tuer et les dévorer dans leur sommeil. Charmant. Les auteurs de l'article, Peter Estock et ses collaborateurs, ont publié cette surprenante observation dans le journal Animal Behavior en 2009. Les mésanges se baseraient sur les cris émis par les chauves-souris quand elles se réveillent pour les traquer. Réfléchis-y à deux fois dorénavant quand vous bâillez en sortant du lit. Les hivernants, quant à eux, réduisent leur activité mais ne tombent pas dans une profonde léthargie comme les hibernants. Ils s'économisent, dorment beaucoup, bougent peu, mais leur activité métabolique, rythme cardiaque, température, respiration, ne chute pas brutalement comme celle des animaux en hibernation. Elle diminue souvent un peu mais pas de manière aussi tranchée. Les hivernants sont parfois amenés à sortir de leur tanière pour aller se nourrir. Parmi les hivernants, le plus emblématique est sans nul doute l'ours. Sachez que les femelles, pendant cette période hivernale, mettent bas de tout petits oursons d'à peine 300 grammes pour justement qu'elles puissent assumer leur naissance à une période où elles doivent économiser leur énergie. On trouve aussi parmi les hivernants les blaireaux, les ratons laveurs, les castors ou les écureuils. Les serpents, salamandres, crapauds et tortues cessent toute activité pendant leur retraite hivernale et leur métabolisme se met au ralenti. On a cette baisse de température et de métabolisme, mais puisqu'ils ne peuvent pas réguler leur température extérieure, on dit qu'ils hivernent. Les oiseaux, eux, dans leur grande majorité, migrent, pas fou. Ils prennent leurs ailes à leur cou, parfois sur plusieurs milliers de kilomètres pour aller se dorer la pilule pendant la mauvaise saison. Mais là aussi, ne croyez pas que c'est de tout repos. Certains font tomber des records, traversent le globe pour une seule saison et allaient se reproduire de l'autre côté du monde. C'est le cas notamment de la Sterne Arctique qui traverse littéralement la planète et passe du pôle Nord au pôle Sud, soit près de 75 000 km par an. La barge hudsonienne, un oiseau des bords de mer, quant à elle, parcourt 8000 à 10 000 km d'une traite, sans pause sandwich. Au final, migrer représente un coût comparable à celui de l'hivernation. Oiseaux, migrateurs et hibernants doivent se gaver avant de passer l'hiver à l'abri. Cependant, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Un seul et unique oiseau au monde est capable d'hiberner. Il s'agit de l'engoulevent de Nuttall, un oiseau moucheté nocturne de la taille d'une grosse hirondelle, au bec court mais très large. On le trouve en Arizona, dans le désert du Colorado et au Nouveau-Mexique, sur la côte ouest des États-Unis. Il niche dans des amas de rochers, à la base des cactus, au sol le plus souvent. Ces longues périodes de torpeur ont été identifiées et documentées pour la toute première fois par le naturaliste Edmund Jagger en 1948 dans le journal The Condor, puis en 1951 pour le National Geographic. Plus récemment, l'équipe de Christopher Woods a observé les phases d'éveil et de torpeur de cet oiseau, ce qui a fait l'objet d'une publication dans le journal Ecologia en 2018. Comme les mammifères, les engoulevents mettent un peu de temps à récupérer leur niveau d'activité normal, 3 jours en moyenne, pour réussir à se réchauffer, et on observe la même alternance de torpeur et d'activité. Ils choisiraient aussi leur lieu d'hibernation en fonction de l'orientation du soleil, pour se réchauffer de manière plus efficace au moment de se réveiller. Malin. L'autre curiosité plus surprenante a été observée chez un animal ectotherme, incapable de réguler sa température corporelle. Il s'agit de l'exemple bluffant de la grenouille des bois, Rana sylvatica, qui vit au nord des États-Unis et au Canada. Autant vous dire qu'il y fait un froid de canard. On a pu observer des températures jusqu'à moins 18 degrés. Pour passer l'hiver, notre grenouille s'enterre. Mais la température chute tellement que la grenouille des bois se trouve littéralement gelée. Son cœur et sa respiration s'arrêtent complètement. Plusieurs composés dans son organisme la protègent des ravages du gel. L'urée, présente dans l'urine, et le glucose, dans son sang. Une grosse réserve de glycogène, une sorte de super assemblage de molécules de glucose dans le foie, joue aussi un rôle important. Et comme l'observait l'équipe de John Constenzo dans le Journal of Experimental Biology en 2013, la quantité de ces composants va influencer la résistance à la température des grenouilles. Celles que l'on retrouve en Alaska et qui peuvent survivre jusqu'à moins 16 degrés ont beaucoup plus de glycogène dans le foie et 3 fois plus d'urée que celles que l'on retrouve dans le sud de l'Ohio, qui ne peuvent supporter des températures aussi froides. Diète drastique, organisme au ralenti, dépenses énergétiques intenses. Finalement, l'hibernation n'est pas de tout repos. Pas à dire, mais dormir 4 mois, ça se mérite. Et nous revoilà avec notre invité Timothée Zida, doctorante en biologie évolutive à l'Université de Lyon 1 Claude Bernard et au laboratoire de biométrie et biologie évolutive du CNRS. Elle vient nous parler de ses recherches sur la communication chimique chez la marmotte alpine. Alors, commençons par le début. De manière générale, qu'est-ce que c'est que la communication chimique ? Alors, la communication chimique ou communication olfactive, ça va être en fait le transfert d'informations d'un individu émetteur à un ou plusieurs organismes receveurs par le biais de signaux chimiques et donc en fait d'odeurs. Et dans ces odeurs, il y a plein d'informations, j'imagine. Oui, globalement, en fait, les animaux, de manière générale, utilisent beaucoup la communication chimique qui a été en fait pendant très longtemps négligée pour vraiment plutôt étudier les signaux acoustiques et visuels. Mais c'est quand même la communication chimique, elle est considérée comme la forme de communication la plus ancienne et la plus répandue dans le règne animal. C'est-à-dire qu'on en trouve chez les mammifères, les poissons, les reptiles, les oiseaux, il y en a vraiment un peu partout. Oui, globalement, ça a été démontré chez pas mal de taxa. Et après, ça peut être utilisé dans différents contextes. Donc, par exemple, ça peut être utilisé dans un contexte de reproduction pour, par exemple, localiser un partenaire sexuel. Donc, un partenaire sexuel qui va être « approprié », entre guillemets, c'est-à-dire de la bonne espèce, du sexe opposé. C'est mieux. Et par exemple, les odeurs peuvent renseigner sur la réceptivité des femelles. Donc, ça a été montré, par exemple, chez les éléphants d'Asie, où en fait, les mâles utilisent les phéromones émises par les urines des femelles pour savoir si celles-ci sont en oestrus ou pas. D'accord, donc si elles sont prêtes à s'accoupler. Exactement. Comme ça, je le sais. Après, ça a été également montré dans un contexte de compétition intrasexuelle, donc notamment la compétition mâle-mâle, parce que du coup, les odeurs peuvent être impliquées, alors non pas dans des combats directs, comme peuvent être des signaux visuels, donc par exemple l'exhibition d'armement, mais ça peut être du coup des signaux fiables de l'état de santé ou de la compétitivité des mâles. D'accord, donc juste avec l'odeur, c'est-à-dire qu'un mâle qui va sentir, je sais pas, l'urine d'un autre mâle, il va savoir si l'autre il est très costaud, s'il est moins costaud, voilà. S'il est jeune, s'il est vieux, etc. Globalement, ça va être ça. Et ça peut être aussi utilisé dans un contexte de choix de partenaire. Donc l'odeur peut, comme je disais, renseigner sur la qualité des mâles, par exemple, sur des caractéristiques génétiques particulières qui vont être préférées par les femelles. Et donc on peut avoir des choix de partenaire via les odeurs. D'accord, donc c'est vraiment un truc assez primordial. C'est marrant qu'on s'y soit si peu intéressé, parce que c'est vrai que nous, finalement, humains, c'est une des communications qu'on utilise peut-être moins. C'est justement sûrement via ce biais sensoriel qu'on s'est surtout intéressé à la communication visuelle et acoustique, qui sont peut-être les signaux les plus perceptibles par l'humain, et la communication chimique beaucoup moins. Alors que finalement, chez l'humain, il y a aussi des trucs qui montrent que nous aussi, on utilise la communication chimique ou pas tant que ça ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'études qui maintenant étudient la communication chimique chez les humains, et notamment la fameuse expérience sur la préférence d'odeur de t-shirt qui avait été faite et qui avait mis en évidence justement une attractivité particulière pour des odeurs. Donc cette expérience-là, c'était avec... donc on avait fait porter des t-shirts à des humains, hommes ou femmes, c'est ça ? Et ensuite, on les avait représentés aux membres du sexe opposé pour savoir ce qu'ils préféraient, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc comme quoi, nous aussi, les odeurs, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, on l'a dit au tout début, vous travaillez sur un modèle d'étude plutôt original, la marmotte alpine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur elle et comment est-ce qu'elle vit, cette marmotte ? Oui, alors la marmotte alpine, elle vit en haute montagne. Donc, c'est une espèce dite à reproduction coopérative. Donc, c'est une espèce qui est sociale, qui vit en groupes familiaux, généralement composé de 2 à 20 individus. Et un groupe familial, ça va être généralement composé d'un couple de dominants, deux subordonnés adultes qui vont être sexuellement matures mais non reproducteurs, puisque chez cette espèce, seul le couple de dominants se reproduit. D'accord. Il va y avoir également des subordonnés immatures et les marmottons de l'année. Et ces subordonnés sont que les enfants du couple principal ou pas? Alors, forcément? Oui, généralement, en fait, tous les individus d'un même groupe familial vont être extrêmement apparentés, au moins en tout cas à l'un des deux dominants, puisque régulièrement il y a quand même des changements de dominants, donc il est possible que la dominante femelle ou le dominant mâle ne soit pas forcément le père ou la mère des subordonnés présents dans le groupe. D'accord, mais donc en théorie il n'y a vraiment que le couple principal qui se reproduit? Oui, c'est le principe, c'est-à-dire que donc c'est une espèce à reproduction coopérative, donc la particularité c'est que les subordonnés qui vont être sexuellement matures, donc à partir de 2 ans, d'accord, ils vont en fait choisir de retarder en fait leur dispersion et donc leur reproduction pour rester au sein de leur groupe familial. Okay. Et du coup, ils vont aider à l'élevage des jeunes du couple de dominants. Et c'est avantageux pour eux d'attendre pour se reproduire, parce qu'on se dit toujours, bon, dès qu'on est mature, hop, on part vivre sa vie ailleurs. Et puis, Oui, bah, en fait, c'est quand même assez compliqué d'acquérir un statut de dominance et donc un territoire. Et c'est quand même... c'est extrêmement coûteux et donc du coup c'est plus avantageux de... Et puis j'imagine qu'ils apprennent aussi un peu à s'occuper des petits, mais il doit y avoir des avantages à regarder comment on s'occupe des petits frères, des petites sœurs. Oui, avant... en fait l'évolution de ce type de socialité c'est surtout pour survivre à l'hibernation, et donc en fait il y a une meilleure survie des jeunes lorsqu'il y a plusieurs subordonnées mâles qu'on va appeler auxiliaires chez la marmotte. D'accord. Qui en fait permettent de réchauffer en fait au cours de l'hibernation le terrier et donc améliorer la survie des jeunes. Oui, parce qu'en fait chez marmotte, donc on sait qu'elles hibernent pendant l'hiver, mais en fait concrètement comment ça se passe? C'est-à-dire que elles dorment toutes en même temps, elles baissent leur température? Oui, c'est, en fait, elles vont toutes se réunir dans un même terrier qu'on va appeler l'hibernaculum. D'accord. Et du coup, donc l'hibernation a lieu à peu près de mi-octobre à mi-avril. D'accord. Et ouais. En fait, il va y avoir des phases de torpeur en alternance avec des phases de réveil. Et en fait, les subordonnées mâles vont se réveiller en fait un peu plus tôt à chaque fois que les autres membres du groupe pour justement réchauffer le terrier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines marmottes qui vont, entre guillemets, payer le coup de se réveiller plus tôt, alors qu'il fait encore froid, d'augmenter leur température corporelle pour réchauffer tout le monde qui est encore en train de dormir. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle, du coup, la thermorégulation sociale. Par contre, ce qui a été montré, quand même, c'est que les subordonnées mâles vont quand même avoir un comportement, en fait, de, un peu de, pour réchauffer, en fait, le terrier, enfin, la chambre du terrier, lorsque les marmottons sont quand même sont apparentés à eux et un peu moins quand ils le sont. Ouais, donc ils aident, mais quand ça les arrange un petit peu. Quoi, si c'est un petit cousin, un petit frère, une petite sœur, c'est quand même mieux que, oui. que quelqu'un qui est plus loin. Alors du coup, donc, ces fameuses marmottes, on disait, elles sont en altitude. Donc ça veut dire que vous, quand vous allez les étudier, vous montez en haut de la montagne. Où est-ce que ça se passe? Oui, c'est ça. Alors nous, notre terrain, il se situe dans la réserve naturelle de la Grande Sassière, donc dans les Alpes françaises. C'est une réserve qui va être gérée par le parc de la Vanoise. Et donc notre site d'étude se situe à peu près 2400 mètres d'altitude. D'accord. Et donc chaque année, on y part 2 mois à peu près, de mi-mai à mi-juillet. Donc c'est un suivi à long terme qui se fait depuis à peu près 30 ans. D'accord, oui. Donc vous réalisé. Connaissez bien les groupes qui sont là-bas. Quoi. Oui, tout à fait. On a vraiment une très bonne idée des limites de territoire. On a toujours en fait nos mêmes familles qui peuvent éventuellement du coup quand même un peu changer d'une année sur l'autre, mais voilà, on a vraiment une bonne idée des individus présents, vu qu'ils sont marqués, donc on les capture une fois par an. Voilà, c'est vraiment pour faire, c'est du capture-marquage-recapture pour faire ensuite de la dynamique de population. Sur le long terme, du coup. Oui. Ouais, si vous suivez ce groupe-là depuis 30 ans, en effet, il y a plein de choses à en dire. Et donc, pour revenir un petit peu à la communication chimique, chez les marmottes, comment ça se passe? Ça vient d'où cette communication chimique? Oui, alors en fait, du coup, la marmotte alpine, comme toutes les marmottes, en fait, possède plusieurs glandes odorantes. Donc, elle va avoir 3 glandes anales jusqu'à présent, on avait un peu d'informations sur leur fonction. D'accord. Il y avait également 2 glandes jugales qui sont situées de manière bilatérale entre l'œil et l'oreille. D'accord. Et qui sont principalement utilisées lors du marquage du territoire. Et également 2 glandes buccales qui sont situées au niveau des 2 coins de la bouche et qui potentiellement peuvent être impliquées dans les interactions sociales. Du moins, c'est ce qu'on en pense au vu des observations comportementales qu'on fait sur le terrain. Donc, ces 3 substances qui sont issues donc, de 3 zones du corps très différentes, elles sont utilisées dans des fonctions différentes, si je comprends bien. Oui, c'est ça, à peu près dans des contextes globalement ouais. différenciés. C'est vrai que les glandes jugales vont vraiment exclusivement... En tout cas, d'un point de vue des observations qu'on peut faire, c'est vraiment utilisé dans le marquage du territoire. D'accord. Après, c'est vrai que pour les autres glandes, donc glandes anales et buccales, on a peu d'informations. Ça semble être impliqué dans les interactions sociales, puisqu'on voit que souvent que les marmottes d'un même groupe familial vont avoir des contacts museau contre museau. D'accord. Donc ça sera plutôt pour la glande buccale. Et pour la glande anale, tout ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'il y a une rencontre, notamment entre 2 individus mâles de territoires voisins, okay. ils vont avoir une sorte de mouvement de la queue, comme s'ils cherchaient à exhiber leur glande anale. Okay. Et faire un signal, genre là c'est bon, on arrête, enfin il risque d'avoir un conflit, du coup ça serait... Donc potentiellement utilisé dans la compétition intrasexuelle. Ok, donc entre les mâles. Et donc dans ces fameuses sécrétions, on en parlait un petit peu, mais du coup il y aurait toutes ces informations-là dans ces différentes glandes, à la fois le sexe, l'âge, on ne sait pas encore trop ce qu'il y a dans ces sécrétions-là, j'imagine. Oui, bah en fait, du coup, ça a été un peu l'objectif de ma thèse, d'analyser un peu la composition chimique de ces différentes glandes. Donc moi, je me suis surtout intéressée à la glande anale et à la glande jugale. D'accord. Et oui, c'était un peu de voir quel type de composition on pouvait retrouver, en quelle proportion, et justement si ça pouvait renseigner sur, par exemple, le sexe, le statut social, puisqu'on a vu que chez la marmotte alpine, on a des dominants et des subordonnés, si ça pouvait aussi renseigner sur le statut de maturité sexuelle ou encore sur le groupe d'appartenance ou justement la parenté. Toute la carte d'identité de l'animal, quoi. Oui. Alors, histoire de rester concentré et de ne pas dormir comme une marmotte, on vous propose une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était Foreign River d'Anchor Song. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Timothée Zida, doctorante en biologie évolutive à l'Université de Lyon 1 Claude Bernard et au laboratoire de biométrie et biologie évolutive du CNRS. Elle vient nous parler de ses recherches sur la communication chimique chez la marmotte alpine. Alors on le disait avant la pause, vous étudiez les substances sécrétées par plusieurs glandes chez la marmotte et vous cherchez à comprendre quelles informations elles peuvent transmettre aux autres individus. Alors concrètement, comment est-ce que vous avez testé tout ça d'un point de vue purement comportemental? Comment ça se passe, vos expériences? Oui, alors c'est vrai que du coup, ma thèse, ça a été quand même beaucoup d'analyses chimiques et c'est vrai que le comportement en milieu naturel sur une population sauvage, c'est assez compliqué. Il faut le dire. Mais on a quand même essayé de faire quelque chose. D'accord. Du coup, dans un premier temps, ce qu'on a voulu tester, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du dare enemy phenomenon. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que chez les espèces qui sont territoriales, donc la marmotte alpine, par exemple, on s'attend à ce que les individus d'un groupe familial soient plus agressifs envers des individus qu'on va considérer comme étrangers par rapport à des individus voisins, c'est-à-dire du coup présents dans les territoires adjacents. En fait. Ceux qui peuvent se voir en fait. Donc, oui, d'où c'est le ceux nom qui se rencontrent aux limites de territoire. Le cher ennemi, le voisin au final c'est un ennemi mais on l'aime bien quand même parce qu'il est moins... On le connaît donc ça passe mieux. C'est un ennemi qu'on connaît alors que celui qui est plus loin, d'accord. Et alors, du coup, concrètement, sur le terrain, on a récolté donc, des odeurs. Donc là, on a testé uniquement des individus dominants, puisque c'est ceux qui, justement, font le marquage du territoire. Et... Donc on a présenté des odeurs d'individus mâles, donc de dominants voisins et de dominants étrangers. Et on a essayé de regarder un peu le comportement des dominants, alors mâles ou femelles, des territoires testés. D'accord. Et ensuite, on a, placé les odeurs, donc les deux odeurs près du terrier principal, histoire de maximiser un petit peu la chance que les marmottes passent à côté de nos odeurs. Et après, donc, on est complètement sorti du territoire et avec des jumelles et des longues vues, on a un peu observé quels individus se rapprochaient de nos odeurs. Et avec des caméras, on a fait des enregistrements. Et on a regardé un petit peu les temps de reniflement, comme on peut dire. De chaque odeur. Oui, ou de marquage. Et en fait, on a considéré que le reniflement, c'était une sorte de mesure d'intérêt de l'odeur et le marquage plutôt une mesure de l'agressivité. D'accord. Mais du coup, les odeurs, comment est-ce que vous avez fait pour les... Vous les mettez sur des objets Oui, alors bon, on a fait différents types d'expériences. D'accord. Donc, soit en utilisant des tubes de verre qu'on a frottés sur les glandes. Donc là, c'était pour tester... l'hypothèse du dare enemy phénomène, donc c'était vraiment plutôt des glandes jugales qu'on utilisait puisque c'était impliqué dans le marquage du territoire. On a également aussi fait des expériences en utilisant les lingettes que la police scientifique utilise. On s'est dit que ça pouvait être aussi une bonne alternative, donc voilà. Du coup, ça garde bien l'odeur, ces fameuses lingettes. Oui, en tout cas, ça marche bien puisque la police les utilise, donc voilà. Et donc, avec ces deux odeurs, donc vous les avez mis près des terriers, vous attendez de voir ce que les marmottes font. Et qu'est-ce que vous avez pu observer, du coup? Alors, globalement, il n'y a pas forcément plus d'intérêt d'une odeur par rapport à l'autre. D'accord. En tout cas, quand on teste des dominants voisins versus des dominants étrangers. Donc, on a l'impression, du coup, que n'importe quel dominant... est considéré comme un intrus et n'est pas du tout admis au sein du territoire, ce qui est plutôt logique pour des espèces qui sont territoriales. Et du coup, on a voulu également tester si ça pouvait pas être plutôt le statut qui pourrait justement jouer dans cette agressivité en émettant l'hypothèse que les individus subordonnés, qui sont ceux qui dispersent et donc qui sont à la recherche d'un territoire, seraient pas du coup plus davantage des compétiteurs par rapport à des dominants qui, eux, normalement, ont déjà un territoire. Ouais, donc, c'est ce qu'on a voulu tester en présentant une odeur de mâle subordonné face à une odeur de mâle dominant. D'accord. Et donc, on a fait exactement le même type de protocole et on n'a pas non plus vu qu'il y avait une différence d'agressivité pour les subordonnés ou pour les dominants, bien qu'on ait analysé les odeurs de glandes jugales et qu'on ait vraiment mis en évidence qu'il y avait ce statut social qui était informé dans l'odeur. Donc, chez la marmotte alpine, il semblerait que vraiment n'importe quel étranger en fait, du groupe familial soit vraiment considéré comme un intrus. qu'ils soient proches ou pas du tout, quoi. Mmh. Ça serait toujours la même réponse. Alors, vous le disiez juste à ce moment-là, vous avez dit qu'au niveau de la structure de ces odeurs, vous voyez des ressemblants, enfin, vous voyez des motifs qui se détachent. Mmh. Mais moi, je me demandais, en revenant un tout petit peu en arrière, comment est-ce que vous faites pour les analyser, ces odeurs ? Alors, donc, on les prélève sur le terrain avec un protocole assez particulier puisqu'il faut vraiment limiter toute contamination de molécules extérieures et qui ne seraient pas vraiment endogènes aux marmottes. Et donc, on fait les prélèvements sur le terrain, on les stocke au congélateur à moins 20 pour éviter toute dégradation, à l'abri de la lumière également pour éviter la dégradation des composés. Et ensuite, une fois au laboratoire, on va pouvoir les analyser par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse. Donc, globalement, ça va être de chauffer les échantillons qui vont être placés dans un solvant pour ensuite pouvoir séparer et identifier en fait les composés chimiques présents dans chaque échantillon, en quelle proportion, etc. Et ensuite, avec des analyses statistiques multivariées, essayer de voir s'il y a des patrons qui peuvent du coup suggérer qu'il y a que ces odeurs peuvent renseigner sur le sexe, le statut social, etc. Donc du coup, votre travail en laboratoire, c'est de récupérer ces odeurs que vous avez donc un petit peu décomposées pour voir les différentes molécules, les différentes substances qu'il y a dans chacune de ces odeurs. Et vous compariez des odeurs de dominance, subordonnée, etc., pour voir si vous retrouviez des choses en commun ou des choses différentes entre ces différentes odeurs. Oui, voilà. On va voir si, par exemple, on va avoir des composés qui vont être plutôt présents chez les dominants et puis d'autres chez les subordonnés, ou si ça va plutôt être une question de proportion avec les mêmes types de composés, mais peut-être plus abondants chez les dominants et moins chez les subordonnés. Pareil pour tout ce qui est sexe, etc. Enfin, sexe, maturité sexuelle. Est-ce qu'ils sont caractérisés par des compositions chimiques différentes ou pas? Et du coup, qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous avez comparé au niveau? C'était quoi vos hypothèses au niveau des motifs proches ou différents? Du coup, pour vraiment l'analyse de la glande anale, vu qu'on suppose que ça peut être impliqué dans la compétition intrasexuelle, puisqu'en fait, du coup, chez la marmotte, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a vraiment que les dominants qui se reproduisent. Du coup, il y a un fort biais reproducteur et une compétition assez importante pour l'accès à la reproduction. Du coup, les dominants suppriment en fait la reproduction des subordonnés avec des comportements agressifs qui vont ensuite physiologiquement du coup supprimer la reproduction des subordonnés. Le mâle dominant par exemple va harceler les autres petits mâles et la femelle dominante va empêcher les autres femelles de se reproduire. Voilà, et donc du coup c'est pour ça qu'on émettait l'hypothèse que justement le sexe, la maturité sexuelle pouvaient être enseignés par exemple dans la glande anale qui semble du coup être impliquée dans ce type de comportement. Et donc c'est bien ce qu'on a vu, enfin ce qu'on a mis en évidence, c'est que les compositions chimiques de glandes anales sont vraiment spécifiques d'un point de vue sexe et maturité sexuelle, coup, ce qui permet en fait en quelque sorte aux dominants de vraiment cibler les compétiteurs potentiels, c'est-à-dire du coup les subordonnés mâles sexuellement matures de leur groupe. D'accord. Et en les identifiant, pouvoir vraiment entre guillemets éviter de perdent leur temps à harceler ceux qui ne sont pas vraiment des compétiteurs et vraiment cibler vraiment leur comportement agressif vraiment cela. Sur les compétiteurs potentiels. Parce que les dominants, vous n'avez pas observé de comportement agressif sur des marmottons trop jeunes, etc. C'est vraiment que ceux qui sont potentiellement sur le point de pouvoir se reproduire. Oui, sur les subordonnés qui sont adultes. D'accord, donc vraiment, ça veut dire que dans ces glandes, il y aurait ces infos sur quand on est prêt à se reproduire et sur le sexe. Oui. Ok. Mmh. Et vous avez comparé d'autres types d'échantillons au niveau odeur ? Comme je disais tout à l'heure, sur la glande jugale, on a essayé de voir s'il y avait justement le statut social qui pouvait être informé par la glande. D'accord. Et donc on avait vu que oui, mais que visiblement, d'un point de vue comportement, alors on ne peut pas vraiment dire si c'est vraiment que l'information est présente, mais que les marmottes décident de ne pas l'utiliser, ou au contraire qu'elle est présente, mais qu'en fait les marmottes ne la voient peut-être tout simplement pas, ou si au contraire, justement, elle est présente, les marmottes voient vraiment la différence, mais que l'individu soit subordonné ou dominant, dans tous les cas, il est étranger à la famille, on n'en veut pas sur notre territoire. Et c'est un petit peu on-off, quoi. Et je voulais savoir aussi, on l'a dit, les marmottes, le choix de partenaire, c'est important parce qu'on n'a qu'un seul couple qui peut se reproduire. Et du coup, moi, je me demandais, en matière de choix de partenaire, est-ce que cette communication chimique va jouer un rôle important? Est-ce que c'est peut-être grâce à ça que les couples dominants se forment? Comment est-ce que... Alors, c'est vrai que du coup, chez la marmotte, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de choix de partenaire quand on parle vraiment du couple de dominants, puisque généralement, en fait, quand un mâle va venir détrôner, entre guillemets, le mâle dominant présent, bah, la femelle n'a pas forcément vraiment son mot à dire. C'est vraiment le plus fort qui prend la place. Okay. Mais du coup, ce qui a été observé chez la marmotte alpine, c'est qu'il y a des paternités hors couple. D'accord. Et pour justement, du coup, c'est vraiment un choix de partenaire pour les femelles à ce moment-là. Et ça permet justement un peu de contrebalancer peut-être le partenaire social qui lui aurait été imposé et qui ne serait pas forcément très optimal d'un point de vue, en tout cas, génétique. Et c'est vrai que ce qui a été montré chez la marmotte, c'est que les paternités hors couple, elles sont beaucoup plus présentes lorsque les partenaires sociaux vont avoir des caractéristiques génétiques. Soit ils vont être très proches, soit quand ils vont être très éloignés génétiquement, là il va y avoir vraiment beaucoup plus de paternité hors couple. D'accord. Donc ça suggère quand même que la femelle elle puisse reconnaître justement les caractéristiques génétiques de son partenaire social et qu'elle puisse ensuite en fonction de ça choisir si elle fait des paternités hors couple ou pas. Ailleurs. Et donc on suppose justement oui que l'odeur peut être un moyen aux femelles de connaître la caractéristique génétique des mâles, puisque c'est vrai que d'un point de vue visuel ou acoustique, bon, déjà chez la marmotte alpine, c'est une espèce qui est monomorphique. Les signaux acoustiques, ça va surtout être utilisé pour des cris d'alarme, donc dans D'accord. la défense de... Donc ça veut dire qu'ils n'ont qu'un seul type de cri ? C'est ça ce que vous voulez dire par monomorphique ou... Non, alors non, monomorphique, c'est qu'il n'y a pas de dimorphisme, enfin, il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Il n'y a pas de différence entre mâle et femelle. Ils ont le même aspect. Un peu de taille, ou mais sinon, D'accord. ils se ressemblent énormément. D'accord. Et c'est vrai que, vu qu'en plus les caractéristiques génétiques, ça va vraiment être un critère qui va être relatif et qui va vraiment dépendre à chaque fois des individus. On suggère vraiment que l'odeur, elle puisse vraiment permettre de reconnaître ces caractéristiques génétiques, avec l'hypothèse que des odeurs proches on va avoir des odeurs proches pour des individus qui vont être génétiquement proches. Mais du coup, donc ça veut dire que si le couple principal, finalement, n'a pas les bonnes caractéristiques génétiques, ça veut dire que la femelle peut s'accoupler avec d'autres mâles, mais ça veut dire que pour ça que le mâle dominant n'a pas réussi à empêcher les autres mâles potentiels de se reproduire. Ça peut quand même arriver, ça, du coup ? Que d'autres mâles que le mâle dominant arrivent à se reproduire ? Oui, alors généralement, c'est justement des subordonnés qui sont en dispersion, donc ce qu'on va appeler, je pense que c'est bon terme, des transients, en fait, donc ils vont passer par là, la femelle va s'accoupler avec eux. Passe par là et hop, d'accord. Ouais, mais c'est vrai que parfois, ça peut être aussi des subordonnés du groupe familial. D'accord. Mais quand c'est des subordonnés, généralement, c'est quand ils ne sont pas apparentés à la femelle. C'est-à-dire que ça ne va même pas être des fils. Donc là aussi, ça suggère qu'il y a vraiment une reconnaissance de la parenté et qui pourrait du coup se faire via l'odeur. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut dire que dans ce système familial, il faut éviter qu'il y ait trop de consanguinité quand même. Parce que si on est trop proche, ça peut donner des petits qui ont des malformations ou ce genre de choses. Oui, c'est vrai que la dépression de consanguinité, ce n'est pas forcément très bon. Mais c'est vrai que chez la marmotte, ce qui a été montré, c'est que certes, il faut éviter les individus qui sont trop apparentés, mais il faut aussi éviter les individus qui sont trop éloignés génétiquement. Et chez la marmotte, il semblerait vraiment qu'il y ait un choix pour un optimal génétique, puisque du coup, choisir des partenaires qui vont vraiment être trop dissimilaires, ça peut aussi justement modifier un peu les combinaisons de gènes qui vont être localement adaptatifs. Donc, c'est pas forcément... forcément très bon de choisir des mâles très, très dissimilaires. Trop loin, oui. Donc il faut vraiment trouver ni trop proche, ni trop loin. Tout un travail. Merci beaucoup Timothée pour toutes ces informations passionnantes sur la vie sociale sirige des marmottes et sur communication chimique. Et bravo pour la soumission de votre thèse et sa soutenance en approche. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Bah, merci beaucoup. On finit comme d'habitude avec quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, je vous propose quelques pistes pour aller plus loin. Tout d'abord, un nouvel ouvrage jeunesse, tout illustré de belles images pour en apprendre plus sur l'hibernation. Il s'agit de l'ouvrage « Comme des marmottes », sous-titré « L'hibernation », écrit par Michel Francesconi et illustré par Capucine Mazille. Il est paru aux éditions du Ricochet dans la collection « Ohé la science ». Comme tous les autres ouvrages de la collection, l'album est très réussi. Le texte est court, mais permet de passer en revue plein de notions passionnantes et qui donnent envie au lecteur d'en apprendre plus sur le sujet. La différence entre hivernant et hibernant y est expliquée, ainsi que le fonctionnement de leur corps pendant ces périodes particulières. On y apprend par exemple que les battements de cœur des chauves-souris passent de 500 battements à minute en période active contre seulement 12 à peine pendant hibernation, ou encore que l'ours est trop gros pour hiberner réellement. Les textes sont courts, deux phrases par double page en moyenne, et ils sont accompagnés de superbes aquarelles, drôles, touchantes et terriblement détaillées, qui mettent tour à tour en scène une famille de blaireaux, un muscardin roulé en boule, des marmottes endormies ou une tortue sortant de sa cachette hivernale. Une double page à toute fin du livre permet de détailler certaines notions volontairement survolées dans l'album. Bref, c'est frais, beau et instructif, un nouvel incontournable à ajouter à votre bibliothèque. Et pour en apprendre plus sur les marmottes étudiées par Timothée et ses collaborateurs depuis 20 ans autour du col du Lautaret dans les Alpes françaises, je vous invite à visiter un site internet. Le site est une vraie mine d'informations sur le mode de vie et le comportement de cet animal, mais il permet aussi de suivre la recherche en train de se faire. On vous explique en détail la procédure pour capturer les marmottes et faire les mesures nécessaires, comme les prélèvements d'odeur dont vous parlez pendant l'interview, tout en les stressant le moins possible. Vous pouvez y voir le lieu de l'étude, une présentation des 90 groupes familiaux de marmottes étudiés par les scientifiques sur place, mais aussi rencontrer les membres de l'équipe et découvrir leurs thématiques de recherche. Une seule adresse à retenir, https://projetmarmottealpine.org. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.